Dossier 5. Livre page 48. Monsieur Khaled Haddad se rend dans l'agence de voyage Bustani Tour et s'adresse à l'employé. Bonjour. Bonjour. Je vous prie de vous asseoir, monsieur. Puis-je vous aider ? Je viens pour avoir des renseignements concernant un séjour à Latakié. J'ai lu votre annonce dans le journal d'hier. Tout à fait. Nous avons deux choix. Vous préférez partir par le train ou par l'avion ? Par avion, s'il vous plaît. Seconde classe. Vous voyagez seul ou en groupe ? Avec ma famille. Est-ce que vous offrez des réductions pour les enfants ? Oui. Pour les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, vous payez demi-tarif. Très bien. Comment je peux régler ? Vous pouvez payer en liquide ou par chèque. Si ça vous intéresse, il vaut mieux réserver rapidement. Envoyez-nous un mail avec tous les détails nécessaires et on va vous répondre le plus vite possible. Je vous remercie infiniment. Au revoir, monsieur. Au revoir.